بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le jeudi 16 du mois Al-Muharram de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 3 août 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette soirée afin de poursuivre cette série au sujet de l'athéisme. L'athéisme, la religion la plus absurde que l'humanité a connue. L'athéisme, ce phénomène nouveau pour l'humanité. Car la base chez les hommes, c'est la foi en leur Dieu, créateur de toutes choses. Nous avons commencé à parler de quelques raisonnements fallacieux et de quelques sophismes de raisonnement chez les athées. Et nous poursuivrons à citer ces raisonnements et également leurs contradictions. Car toute personne qui ne suit pas la vérité, forcément, elle est amenée à se contredire. Toute personne qui ne suit pas la vérité tombera forcément dans la contradiction. C'est pour ça que Dieu nous dit dans le Coran « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا » Si ce Coran provenait d'autres que Allah, ils auraient trouvé dedans beaucoup de contradictions. Mais pas une seule contradiction dans le livre d'Allah. Parmi ces points, donc, dans ce qui a précédé, nous avons abordé plusieurs points très importants, notamment les outils innés que Dieu a mis en nous afin de parvenir à la vérité. Nous avons vu le plus important de ces moyens qui permettent à l'homme de parvenir à la vérité, qui est la nature humaine saine, cette prédisposition selon laquelle Dieu nous a créés. Et cette prédisposition qui est le fitra, si elle n'est pas corrompue par la société, l'homme, il arrive automatiquement à croire en son créateur. C'est pour ça la base. Pour prouver l'existence de Dieu, on prouve pas l'existence de Dieu. C'est ça la base. Car l'homme, il peut arriver à ça automatiquement. C'est comme si tu me dis, prouve-moi 1 plus 1 égale 2. C'est ça la base. Ça, c'est quelque chose qui est basé sur des éléments innés chez l'homme. Notamment la loi de la causalité, les évidences rationnelles, l'argument de la moralité, le sentiment de vivre pour une raison et avec un objectif, une finalité, ce sentiment qu'on a tous du libre arbitre, et ce point on va en parler encore, et ainsi de suite. C'est pour ça, tous ces éléments-là permettent à l'homme d'arriver à la vérité aisément et facilement. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de prouver l'existence de Dieu. Mais des fois, on peut être amené à des raisonnements rationnels et entre parenthèses logiques et scientifiques pour convaincre quelqu'un dont la nature humaine a été corrompue. Quelqu'un qui croit qu'il ne peut pas faire confiance en sa raison, comme Darwin a dit. quelqu'un qui croit que la loi de la causalité, c'est pas une loi universelle, forcément parce qu'on est des créatures, qu'on a un créateur, pour lui ça c'est pas une nécessité. Alors que ce sont des sciences nécessaires, qu'on appelle les sciences nécessaires, les axiomes, les choses qui n'ont pas besoin d'être démontrées. Donc avec quelqu'un comme ça, effectivement, on va revenir avec lui afin de le ramener à sa nature humaine saine et après il arrivera à son créateur. Et nous avons vu comment l'athée, je le rappelle, quand je parle de l'athée, je parle de l'athéisme, de cette religion, de ses croyances, de ses convictions, de cette idéologie, de l'athéisme. On ne veut pas un athée qui vient me dire « moi je respecte les moralités ». Tu respectes les moralités, tu n'as pas compris l'athéisme, tout simplement. Tu crois en la loi de la causalité et t'acceptes l'argument cosmologique, c'est que t'as pas compris l'athéisme. T'es pas un athée en réalité. Et ça, c'est effectivement le cas de beaucoup d'athées. C'est des gens, c'est pas qu'il est convaincu ou qu'il a des preuves évidentes pour légitimer son athéisme. Tout simplement, il veut pas se soumettre à son créateur. Il veut pas. C'est pour ça qu'il y en a parmi les intelligents d'entre eux, quand tu discutes avec lui et tu le mets face au mur, il n'arrive plus à avancer dans la discussion. Il est bloqué, il est coincé. Après, il te dit clairement, moi je ne veux pas croire. T'as raison, elle te dit de croire, mais toi tu ne veux pas croire. Donc c'est ce qu'on appelle les personnes qui suivent la passion. Il trouve en l'athéisme le libertinage, il peut faire tout ce qu'il veut, sans contrôle, et ça lui donne une bonne conscience en plus. Il fait tout ce qu'il veut, et après la mort, il n'y aura rien. Par contre, quand il pense à la mort, et à la destination, et à tout ce qui va suivre la mort, là, ça le perturbe, ça le trouble, et ça l'empêche de profiter pleinement comme lui, il aimerait. Comme un animal. Il aimerait être comme un animal. Il réfléchit pas. Donc, ça aussi, c'est parmi les outils dont Dieu nous a dotés. La réflexion. L'être humain, de par sa nature, il réfléchit. Jamais tu vas trouver un lion, il se dit pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi je n'ai pas fait ça. Ça, c'est l'homme. C'est pour ça Dieu nous a distingués des animaux. Et c'est pour ça, c'est nous qui devrons rendre des comptes, et pas les animaux. Il n'y a que deux mondes qui vont rendre des comptes, le monde des humains et le monde des djinns. Donc, avec tous ces éléments, en lui, ancré en lui, auxquels il ne peut pas résister, l'athée, il se trouve dans des contradictions et dans une instabilité troublée, perturbée. Il doute de tout, de lui-même. Il ne peut connaître le bonheur ainsi. Et justement, son athéisme, il le conduit à renier les vérités rationnelles et les sciences nécessaires. Les sciences nécessaires, ce sont les sciences qui ne sont pas acquises. Personne ne va venir te dire « démontre-moi qu'il fait jour » ou « qu'il fait nuit » ou « que 1 plus 1 égale 2 » ou « que la totalité d'un objet est supérieure à sa partie ». Personne ne vient te demander de démontrer ça. S'il demande ça et que tu commences à lui démontrer, peut-être qu'il va plus comprendre ce que c'est. Car démontrer les choses évidentes, c'est parmi les grandes problématiques. Donc il va être dans une contradiction avec tout, à commencer par sa propre personne. il est dans une contradiction avec tout son entourage, avec sa personne. Et quand il apprend le fonctionnement du cerveau, la circulation sanguine, le système respiratoire et le système immunitaire, le fonctionnement du pancréas, et ainsi de suite, la liste est extrêmement longue. Les poumons, la liste est extrêmement longue quand il apprend ces systèmes et leur complexité et la perfection dans ces systèmes. Ça va encore le mettre encore plus dans les troubles et dans la perturbation. Et avec le raisonnement basé sur les convictions de l'athéisme, il sort avec des résultats déplorables. L'athéisme méprise l'homme. Et le dénoue de toute de toute dignité. Et l'homme ne trouve sa dignité que dans la soumission à son créateur. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Allah nous dit, nous avons honoré le fils de Adam. Également, l'athée se trouve dans une contradiction avec sa propre raison. C'est pour ça qu'ils finissent par ne plus faire confiance à leur raison, qui est elle-même issue de la matière, qui n'a pas d'intelligence, ni de conscience. Il est en contradiction avec ses sentiments. Il a de l'amour pour ses parents. Pourquoi il les aime? Pourquoi il aime ses parents? Pourquoi il aime ses enfants? Tout ça, c'est des choses sans réponse dans la théorie de l'athéisme. Et à chaque fois que l'athée essaye de fuir une de ses réalités qui s'oppose à ses convictions, il tombe dans une contradiction pire encore. Il se contredit avec sa théorie matérialiste. Et quand il essaye d'être en accord avec sa théorie matérialiste, comme les scientifiques d'entre eux, ils arriveront à des formes d'immoralité graves que l'homme ne peut pas accepter. Et quand il accepte les moralités, il s'oppose à sa vision matérialiste du monde, et ainsi de suite. C'est pour ça que tu peux entendre certains athées qui disent « Moi, je suis athée, mais j'accepte les évidences comme la loi de la causalité. Et j'accepte les bonnes moralités qu'on a dans nos sociétés. Je n'accepte pas l'inceste. Je n'accepte pas le viol. Je n'accepte pas le vol. » Et ainsi de suite. Mais il s'est contredit avec son athéisme. Et s'il accepte son athéisme dans son intégralité, il se contredit avec toutes ses valeurs et toutes ses notions. Et l'athéisme également, il s'oppose au slogan des athées, comme « Je respecte ma raison ». « Je respecte l'humanité ». Je crois en la science. Ça, c'est des slogans. Mais l'athéisme s'oppose à ces slogans. Et l'athéisme, il finit par renier même la science expérimentale. Alors que eux, ils prétendent suivre la science expérimentale. Et nous avons vu plusieurs exemples et nous allons voir d'autres avec la permission d'Allah. Également, on a vu comment les athées critiquent les croyants d'avoir la foi en l'invisible, alors que eux, ils finissent par croire en l'invisible. Nous avons vu des exemples. Qui parmi les athées a vu Lucas? la cellule mère de toutes les formes de vie existantes sur Terre. Qui parmi les athées a vu ça? Qui parmi les athées a vu l'évolution? Et qui parmi les athées a vu la sélection naturelle? Et qui parmi les athées a vu la mutation aléatoire? Et la liste est longue. Donc ils finissent par croire en l'invisible. Ils finissent par avoir des convictions qu'ils ne peuvent démontrer. Comme on a vu l'exemple de Richard Dawkins. Mais, à notre époque, il y a un phénomène nouveau, c'est le phénomène des médias. Et ils ont compris que la masse des gens ne réfléchissent pas. La masse des gens, dans une société soi-disant développée, moderne, comme en Occident, comme en Europe, la majorité des gens suivent. Ils suivent ce qui est exposé et présenté dans les médias. C'est pour ça aujourd'hui, l'athéisme, c'est pas comme avant. On cherchait à prouver avec des raisonnements scientifiques, avec des arguments philosophiques. Non, aujourd'hui, on ramène quelqu'un qui sait s'exprimer, qui a de l'éloquence, qui sait tromper et un manipulateur et qui sait jouer avec le mot. Et c'est bon. Les gens acceptent. Et en plus, ça coïncide avec une envie profonde chez cette personne de se libérer de la religion. Donc, il lui faut très peu pour le convaincre. Au minimum, ils arrivent à leur mettre des doutes et des ambiguïtés au sujet de la foi. Car ils profitent de leur ignorance et de leur absence d'esprit scientifique. Ils profitent de tous ces éléments-là. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre, avec la permission de Dieu, à parler de certaines de ces contradictions. Donc, la nature humaine saine de l'homme affirme que chaque créature a un début et une fin. Chaque créature a un début et une fin. Et ça, c'est quelque chose que l'athée observe avec ses propres yeux. Tous les jours, il voit des êtres naître et d'autres disparaître. Tous les jours, il voit ce phénomène. Et cette dualité entre la vie et la mort, l'existence et la disparition, c'est quelque chose qui implique que l'homme a besoin d'autrui et qu'il a un créateur qui gère ses affaires. Et ça, il ne peut pas aller outre cette certitude. Il ne peut pas aller outre ou là, au-delà de cette certitude. Le fait que tous les jours il voit des gens qui naissent et des gens qui meurent et cette continuité dans la vie et cette dualité entre la vie et la mort, ça implique que cet univers a forcément quelqu'un qui le gère et qui le régisse. Et ça, c'est un phénomène qui est applicable à tout ce que nous voyons sans exception. Sans exception. Mais quand on a adhéré à l'idéologie de l'athéisme, on finit par faire des mauvaises liaisons entre les phénomènes et les événements que nous voyons avec nos propres yeux. Et on finit par s'obstiner et s'entêter et par conséquence rejeter la raison et la nature humaine saine et ce que ça implique. C'est pour ça tu peux arriver à la foi en l'existence de ton Créateur, tout d'abord à travers ta nature humaine saine. Elle t'indique la voie vers ton Créateur. Également à travers ta raison. Et également à travers la contemplation de l'univers et des différentes créatures dans notre monde. Et également à travers les messagers et la révélation. Un des points les plus importants sur lequel s'appuie les athées pour légitimer l'athéisme, ils disent que les religions d'une manière générale et la religion de l'islam en particulier est la cause des guerres et des persécutions et des intolérances et des souffrances à travers le monde. Ça, c'est parmi les arguments favoris des athées pour faire peur de la religion et de la foi, et pour diaboliser la foi et la religion. Et ça, ça leur permet de faire avancer leur idéologie, en diabolisant la religion. La religion, c'est un mal, c'est un danger, ça n'a amené que les guerres et que les intolérances. Et tu peux entendre de certains athées que aucun athée n'a jamais fait de mal à cause de son athéisme. Et que si jamais on éradiquait toutes les religions de la terre, il émergerait un monde merveilleux et un monde meilleur, où régnerait la justice, l'amour et la solidarité. Ça, c'est ce qu'ils prétendent. Ils prétendent que la religion, c'est la source de toutes les guerres et tous les malheurs, toutes les catastrophes. Et un monde sans religion serait un monde meilleur et merveilleux, et dans lequel il y a régnerait la justice et l'amour et la solidarité. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que avec la disparition des religions de la religion sur terre, le monde vivrait dans une paix et vivrait dans la sécurité et jouirait d'une vie paisible? Est-ce que ceci est vrai? La réponse à ce vice de raisonnement qui ignore la vérité et qui comporte le mensonge est la suivante. Si on regarde toutes les idéologies athées et non religieuses que l'homme a connues, et on va se limiter à ces idéologies de notre époque, comme le communisme, le socialisme, le nazisme, et ainsi de suite. Il faut savoir que toutes ces idéologies sont des idéologies athées. Le communisme de Karl Marx, le socialisme et le nazisme de Hitler, et ainsi de suite. Si on prend Mao Tse-tung, le plus grand meurtrier que l'histoire de l'humanité a connu. Mao Tse-tung, à lui seul, a tué plus de 65 millions de morts. Plus de 65 millions de morts. Si on prend un autre exemple, Staline. Staline à lui seul a tué plus de 34 millions de personnes. Plus de 34 millions, à peu près 40 millions selon certains historiens. 40 millions. Aussi, Hitler. Hitler à lui seul, il a tué entre 9 et 20 millions de personnes. Et tous ceux que j'ai cités, et on cite également Lénine. Lénine, même s'il a tué moins que Staline, lakin ça reste, yani, à la tête de la de liste des assassins et meurtriers dans le monde à travers l'histoire. À lui seul, il a tué plus de 4 millions de personnes. Donc toutes ces personnes-là, et on va en citer d'autres, sont des athées. Tous, ils sont des athées. Et ils ont agi selon des convictions de l'athéisme et selon les convictions de la théorie de Darwin, la sélection naturelle. Et c'est des gens qui considèrent la religion source de guerre. Regardez le nombre de personnes qu'ils ont tuées et ils sont tous des athées. Donc, les communistes, à eux seuls, ils ont tué plus de 100 millions de personnes. Plus de 100 millions de personnes, rien que les communistes dans l'Union soviétique et en Chine et dans la Corée du Nord, le Cambodge, en Afrique, presque 2 millions de morts ils ont tué. En Afghanistan, presque 2 millions de morts également. Vietnam, 1 million de morts et certains historiens, 5 millions. Avec la guerre menée par les États-Unis contre le Vietnam. En Europe de l'Est, également 1 million de morts. En Amérique latine, 150 000 morts. La première guerre mondiale avec le nazisme et la deuxième guerre mondiale avec les nombreux dictateurs comme le fasciste Benito Mussolini, Lénine, Staline et ainsi de suite. Et Mao Tse-tung également. L'impérialisme japonais également a été à l'origine de beaucoup de massacres et de morts. Et aussi les athées qui ont fait la Révolution française. Rien qu'en Vendée, il y a eu l'extermination d'à peu près 80% de la population. Un vrai génocide. Ça, c'était ceux qui défendaient l'athéisme. Donc, ces quelques chiffres nous montrent le nombre de victimes de l'athéisme et du communisme et du nazisme et toutes ces idéologies basées sur l'athéisme. Écoutez ce que dit Friedrich Nietzsche, ce philosophe allemand. Il dit: écrase les démunis et montent sur leurs cadavres, écrasent les démunis et les faibles, et montent sur leurs cadavres. Compare ça avec les valeurs de l'islam. Dieu nous dit, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Quant à l'orphelin, ne le persécute point, et quant au mendiant, ne le malmène point. Et si on prend les crimes des musulmans, yani les meurtres, le nombre de personnes qui ont été tuées dans l'histoire de l'islam, là vous allez être certainement choqués. Les musulmans, avec le prophète de l'islam, dans toutes leurs batailles, ils n'ont pas tué plus de 625 personnes. Toutes les batailles que notre prophète a menées et toutes les batailles des musulmans en compagnie de leur prophète n'ont pas donné lieu à plus de 625 morts. Et le plus souvent, c'était des personnes qui préféraient combattre et qui choisissaient le combat. Donc, on voit clairement que en islam, on n'a pas une soif du meurtre. L'islam n'est pas une religion qui a été révélée pour tuer les gens et pour les persécuter et pour répandre les cruautés et le mal sur terre. Au contraire, en islam, on cherche à préserver le sang de la personne. On cherche à préserver le sang de la personne. L'homme a une valeur auprès de son créateur. Et prenez un autre exemple. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a conquis la Mecque, sa ville natale de laquelle il a été chassé et dans laquelle il a été persécuté et maltraité par les siens. Vous imaginez, ils l'ont combattu, ils lui ont fait tout le mal que vous pouvez imaginer. Et tout ce qu'ils pouvaient lui faire comme mal. Ils ont essayé de le tuer, de l'assassiner. Ils ont tout fait. Imaginez un homme comme ça, quand il devient puissant, quand il a une autorité par la suite, il vient et il a conquis la Mecque. Qu'est-ce qu'il va faire de ses ennemis? Il va les exterminer. Quand le prophète a conquis la Mecque, il n'a été tué que 24 personnes, 24 hommes. On n'a pas tué des femmes, on n'a pas tué des enfants. Hommes, des combattants qui ont choisi le combat, qui ont choisi le combat. Donc, on a vu ce qui concerne cette accusation, comme quoi la religion est la source des guerres. Et nous avons vu que les plus grands meurtriers dans l'histoire de l'humanité sont bien des athées et non pas des croyants. Et après, les injustices qui ont été commises dans certaines religions, comme la religion chrétienne, ça c'est basé sur la religion falsifiée. Ce qui a été commis comme injustice par les juifs, ça c'est basé sur la religion falsifiée. Mais la révélation et la vraie religion d'Allah n'appellent pas au meurtre, au crime, au contraire. Un autre point, l'athée se contredit. Encore une fois, il dit qu'il n'y a pas de créateur. Pourtant, il va dire la nature a créé. Ou ceux qui croient que les différentes galaxies qui ont créé la vie sur Terre. Donc ils disent les galaxies créent. Ou il te dit le hasard crée. la mutation aléatoire crée. Donc lui, son problème en réalité, c'est avec le vrai créateur, car ceci implique la soumission. Et lui, il ne veut pas se soumettre à son créateur. Toujours cette citation, l'athée ne croit pas parce qu'il ne veut pas croire et parce qu'il veut éviter les conséquences de sa foi. Et si seulement il savait que le bonheur et la quiétude de l'âme, l'âme déjà à laquelle il ne croit pas, et que la sérénité ne se trouve que dans la soumission au Créateur. Et c'est le seul moyen de se libérer de toutes les formes d'esclavage moderne, où l'homme est devenu esclave de presque toute chose dans ce monde matérialiste. Le croyant, il se sauve de tout ça. C'est là où on connaît la liberté, le vrai sens de la liberté. C'est là où on connaît la dignité, le vrai sens de la dignité. Et c'est là où nous vivons comme des hommes, et non pas comme des animaux. C'est là où on est juste, c'est là où on est bon. C'est là où on contribue dans le bien de l'humanité. Également parmi les contradictions dans l'athéisme, c'est qu'ils prétendent que le seul moyen de parvenir à la science et à la connaissance est l'expérience. Et sans les expériences, on ne peut jamais aboutir à une science. Et ça, bien évidemment, c'est une aberration, une obstination claire et évidente. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'athée ne croit pas en la religion et en tout ce qui fait partie de l'invisible. Il ne croit pas aux miracles des prophètes et des messagers. Et paradoxalement, tu le trouves, il croit en la théorie de Darwin, car la théorie de Darwin, ça fait partie de l'invisible pour lui. Personne n'a jamais vu la première cellule, l'ancêtre commun à toutes les formes de vie existantes sur Terre. Personne n'a jamais vu la mutation aléatoire. Personne n'a jamais vu la sélection naturelle. Personne n'a jamais vu les étapes intermédiaires pour passer d'une espèce à une autre. Tout ça, ça fait partie de l'invisible pour lui. Et ça, on parle déjà d'un point de vue théorique. Alors que dire? Est-ce que cet athée qui croit en la théorie de Darwin que tu as en face de toi, est-ce que il a testé la théorie de Darwin lui-même? Est-ce qu'il a testé la théorie de Darwin lui-même? Il a vérifié sa validité et son authenticité? Bien évidemment que non. Bien évidemment qu'il ne l'a pas testé. Sa réponse, il va te dire, il y a des scientifiques qui l'ont testé. Mais toi, qu'est-ce que tu as testé? Pour toi, c'est de l'invisible. C'est pas des choses que tu as testées. Tu as fait confiance. Tu as cru en l'information qu'on t'a rapportée et en sa véracité. Tout simplement. Donc ça, c'est parmi leurs contradictions. Ils accusent les croyants de croire en l'invisible alors qu'ils sont les premiers à croire ont des choses qu'ils n'ont jamais vues de leur vie et qu'ils n'ont jamais testées. Et comme quelqu'un parmi les frères qui a envoyé un message dans ces discussions, que quelqu'un de sa famille pouvait concevoir facilement qu'on descend du singe, mais il a eu du mal à croire qu'on descend de Adam et de Ève. Il a du mal à croire qu'on descend d'hommes et de femmes, alors que ça, c'est des phénomènes qu'il voit tous les jours. Une relation entre un homme et une femme, ça donne des humains. Et il croit facilement que on descend du singe, alors que c'est un phénomène qu'il n'a jamais vu de sa vie. Et il ne verra jamais de sa vie, je le rassure. Il ne le verra jamais de sa vie. Car c'est que des mensonges. Et ça, ou bien c'est dû au suivi de la passion, et c'est ce qu'il veut croire, lui. Ou bien, c'est dû à un travail de plusieurs années qui a été pratiqué sur ces générations afin de corrompre leur nature humaine saine et de leur faire voir des mensonges comme des vérités. Si c'est enseigné à des enfants dans les écoles comme une vraie théorie et tous les profs ils s'accordent à dire que c'est la vérité et c'est l'origine de l'homme, malheureusement, l'enfant, il peut grandir avec ses croyances. Et s'il ne développe pas par la suite un esprit critique, il peut tomber dans ce piège. Ou s'ils disent, nous ne croyons pas en Dieu parce qu'on ne le voit pas. Il dit, je ne crois pas en Dieu parce que je ne le vois pas. Et moi, je crois uniquement en les choses que je vois. Nous lui disons, tu crois en la théorie de Darwin, tu l'as déjà vue? Non, tu l'as jamais vue. Ça, c'est encore une obstination et un entêtement de sa part dans lequel il rejette la raison et les sens. Car si on applique sa règle dans le domaine scientifique sur lequel il prétend s'appuyer pour légitimer son athéisme et sur le domaine expérimental, alors on va abandonner la science expérimentale et on va abandonner la science, le domaine de la recherche scientifique. Car personne parmi les scientifiques n'a jamais vu la gravité. Alors, imagine si pour ceux qui ont étudié la physique, Dieu m'a permis d'étudier la physique, imaginez si on supprime la notion de la gravité. On supprime la physique, tout simplement. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la gravité? Est-ce que quelqu'un a déjà vu l'électron? Vous imaginez que la plupart des appareils que nous utilisons aujourd'hui, à commencer par le PC, le téléphone, tous ces appareils électroniques. Pourquoi on les appelle électroniques? Parce qu'ils sont basés sur la science de l'électron. Est-ce que quelqu'un parmi les scientifiques a déjà vu un électron? Jamais de la vie. Personne n'a jamais vu un électron. Et rien que de parler de l'électron, ça me fait penser à ça. L'électron, c'est un phénomène incroyable, malgré qu'on ne le voit pas et on l'a jamais vu. Mais on voit ses effets. On n'a jamais vu la gravité, mais on voit ses effets. On n'a jamais vu la nature de l'atome. On n'a jamais vu les ondes. Pourtant, nous recevons les ondes sur nos appareils comme la radio et le son arrive à travers ces ondes. Donc l'effet est existant. Mais est-ce qu'on a déjà vu des ondes? Est-ce que tu as déjà vu le courant électrique? Mais mets ton doigt dans... mets ton doigt et tu vas te réveiller. Pour celui qui veut tout voir et il ne croit qu'en ce qu'il voit, alors il n'a qu'à mettre son doigt, ça c'est très proche, Annie. C'est très facile à tester. Mets ton doigt et tu vas réaliser qu'il y a effectivement un courant électrique. Visible, invisible. Pourtant tous, imagine quelqu'un, il dit, moi je crois pas au courant électrique. C'est pour ça, Annie, quand quelqu'un te dit, je crois pas en l'existence de Dieu, ça revient à peu près à ça. Je crois pas en l'existence du courant électrique. Là, c'est très simple. C'est pas comme s'il me dit, je crois pas en l'existence de l'électron. Je voulais dire, t'es un ignorant, tu t'as pas étudié la physique, donc tu connais pas, va chercher autre chose. Là, le courant électrique, c'est, Annie, je viens de l'avoir maintenant, cette idée, c'est très facile à vérifier. Tu lui mets son doigt sur le fil, et là, il va comprendre qu'effectivement, ça existe, même si on ne le voit pas. Donc, ces gens-là ont limité les sources de la science et de la connaissance à ce qui est expérimenté et ce qui est vu et ce qui est touché. Il y a ni ce qui est capté avec les sens. Et ça, c'est pas vrai. Car tu vas éliminer la majorité des connaissances que les humains ont cumulées à travers les générations et les siècles. La science, ça s'obtient par les expériences, ça s'obtient par les sens, ça s'obtient par la raison, les raisonnements rationnels et logiques. Moi, j'aime pas dire logique parce que logique, ça renvoie vers une science tirée des philosophes grecs. Mais ce qui remplace logique, c'est rationnel. Il y a une des sciences auxquelles on parvient avec la raison humaine saine. Et la science, ça s'obtient aussi avec les informations des personnes dignes de confiance, des personnes dont la véracité a été prouvée. Ça, c'est une source de science. Et d'ailleurs, lui, quand il croit en la théorie de Darwin, pour lui, c'est des hommes de confiance, il prend ce qu'ils ont dit. Comme le croyant, il prend ce que les prophètes ont dit. Mais le croyant, il n'a pas que cette source-là. Le croyant, il a, comme j'ai dit tout à l'heure, il a la nature humaine saine, il a la raison, il a tout ce qu'il voit devant lui. Et il a ce que rapportent les messagers, les prophètes. Alors que lui, il n'a jamais testé l'intégrité de ce scientifique duquel il prend ses théories. Il n'y a que à aller sur Internet et vous allez voir toutes les théories mensongères qui ont été subventionnées par des pays ou des États afin de propager une idéologie particulière. Il y a tellement de théories mensongères. C'est pas on met en cause ou on doute de la science expérimentale ou du progrès scientifique. Non, c'est pas ça. Mais il faut être méfiant. Quand des théories prouvent des choses qui arrangent certaines idéologies actuelles et qui sont subventionnées par ces gens-là, alors il faut être méfiant, il faut essayer de voir plusieurs sources avant de croire en ces choses-là. Notamment, et Annie, je pense à un élément, ce qu'ils disent aujourd'hui, la théorie du gène de l'homosexualité. Avant, ils en parlaient du gène de la religion. Ça s'est avéré que c'est une blague. Maintenant, il parle du gène de l'homosexualité. Est-ce que c'est un phénomène scientifique? C'est quelque chose de prouvé scientifiquement? Non. Mais ça permet de propager une certaine idéologie. Si on a le temps aujourd'hui, on va en parler. Donc, il rejette les informations des hommes digne de confiance, et en même temps, tu vas trouver qu'ils acceptent les informations de gens dont ils n'ont même pas vérifié la confiance et l'intégrité. Il croit en une théorie qu'il n'a jamais expérimentée lui-même, mais il dit que c'est le savant untel qui l'a expérimenté. Donc, on va aborder un autre point très important qui concerne le statut de la femme chez les athées. Je voulais l'aborder d'une manière détaillée, mais finalement, je me suis dit que il n'y a pas besoin de détailler autant. Ça sera facile à comprendre. On va se limiter, Inch'Allah, à rapporter certains propos de d'athées connus, influents, qui ont eu une grande influence sur l'histoire de l'humanité et de la pensée d'une manière générale. Donc, et ça c'est aussi parmi leurs vices et leurs ruses et leurs tromperies quand ils prétendent que l'athéisme a libéré la femme. Depuis l'apparition de l'athéisme, la femme a été libérée. Et ça, c'est caduque. Et n'a aucun fondement. Déjà, on leur parle de c'est quoi la liberté de la femme que vous lui avez donnée. C'est quoi cette émancipation que vous avez permis à la femme? Wallah, elle me fait de la peine, la pauvre femme occidentale qui a été dupée. Et on lui a fait croire que devenir comme un objet de jouissance pour l'homme et de divertissement pour l'homme, c'est de l'émancipation. La femme, malheureusement, dans les sociétés occidentales, qui est déshabillée pour vendre un pot de yaourt. Pour faire une publicité, ils sont obligés de ramener une femme et on montre sa beauté pour vendre un pot de yaourt. Ça, c'est la valeur de la femme dans ces sociétés. La femme, contrairement à l'islam, où la femme est une perle rare, mais avant de commencer du statut de la femme en islam, on va commencer à voir qu'est-ce que représente la femme pour ces athées. Et on commence par ceux qui ont les fondateurs de ce courant et les grands penseurs de ce courant. En commençant par Charles Darwin. Darwin qui est né en 1809 en Angleterre et qui est décédé en 1882. Il a étudié la médecine et il s'est beaucoup intéressé au monde des animaux, tout ça, donc jusqu'à ce qu'il a fait sa théorie. Et c'était pas le premier qui avait cette idée. Mais comme j'ai expliqué précédemment, ce qui a fait qu'il est devenu connu, c'est que sa théorie a coïncidé avec une autre idéologie qui s'est servie de sa théorie, qui est le capitalisme. Le capitalisme où le plus fort domine le plus faible et l'écrase, comme a dit Nietzsche. Le plus fort écrase le plus faible. Et la survie, elle est uniquement pour le plus apte. Ça, c'est l'idéologie du capitalisme d'une manière résumée. Donc Darwin, qu'est-ce qu'il dit au sujet de la femme? Écoutez bien. Il dit que la femme a un statut inférieur à l'homme. Et sa race est dans un degré inférieur à celui de l'homme. Elle est beaucoup, en dessous du degré de l'homme. Et un autre passage dans son livre, il dit, la femme ne sert qu'à remplir les devoirs de la maison et rendre le foyer heureux Et c'est pour ça que la femme, dans sa maison, est meilleure que le chien, pour les causes précédentes. Donc, heureusement, la femme, pour lui, elle n'est pas pire que le chien. Comme a dit Lawrence Krauss, que le chien et le porc est meilleur que le bébé humain. Le chien et le porc produisent, le bébé ne produit rien, n'a aucun profit, donc il a moins de valeur. Car ta valeur est selon ton profit. Est-ce que tu apportes? Est-ce que tu produis ce que tu produises? Donc la femme, heureusement pour elle, et je m'excuse à toutes mes sœurs et à toutes les femmes d'une manière générale que nous respectons dans la religion de l'islam, la femme pour nous c'est notre mère, c'est notre sœur, c'est notre fille, c'est notre épouse et c'est notre sœur en Allah. Mais pour Darwin, heureusement la femme, elle est supérieure son degré dans le tableau de l'évolution, son degré est supérieur à celui du chien, car son profit est supérieur au profit du chien. Elle peut remplir plusieurs fonctions que le chien. Donc ça, c'est en parfaite harmonie avec sa théorie, qui est basée sur la sélection naturelle et les mutations aléatoires qui permettent la survie au plus apte, au plus fort. Et l'homme est plus fort, donc il est supérieur à la femme de ce point de vue. Un autre parmi les grands philosophes européens, c'est Arthur Schopenhauer, qui est né en 1788 en Allemagne et décédé en 1860. Ce philosophe avait une vision extrêmement pessimiste de la vie d'une manière générale et une grande et une immense animosité et haine contre la femme. Il y en a parmi les historiens qui disent que la cause de cette grande haine qu'il avait envers la femme était à cause de sa mère et de sa relation avec sa mère qui était une prostituée. Il lui demandait de délaisser ces choses-là et elle refusait. Et ils ont dit qu'un jour, pendant qu'il essayait de discuter avec elle et de la convaincre à vivre selon une bonne moralité, elle l'a poussé, il est tombé et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais vu. Depuis ce jour-là, il ne l'a jamais vu. Ils ont dit qu'il lui a dit une parole. Il lui a dit, tu seras oublié et si jamais on te citera que par ma cause. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Sa mère est une inconnue, on va la citer uniquement dans ce contexte-là, en parlant de Schopenhauer. Donc il dit au sujet de la femme, il dit, la femme, de par sa nature, elle est préparée pour être une infirmière ou une enseignante, mais elle restera stupide. Depuis son jeune âge, elle restera stupide depuis son jeune âge, car sa raison est la même que pendant sa jeunesse. Yani, elle n'évolue pas dans sa raison, elle reste stupide. Il dit aussi, un autre passage, l'homme ne peut jamais appeler une créature ayant deux seins et des jambes petites. Il ne peut jamais l'appeler, yani, le sexe doux, comme on dit de la femme. Quand on évoque la femme, on évoque sa douceur. Il a dit, on peut jamais, et un homme ne peut jamais la décrire ainsi, sauf si sa pensée est perturbée par des envies sexuelles dominantes. Donc c'est cette envie sexuelle dominante qui va lui montrer sa beauté. mais sans cette envie sexuelle, on appellera la femme l'espèce sauvage et non pas l'espèce douce. Ça, c'est Schopenhauer. Un autre qui est Friedrich Nietzsche, un autre Allemand qui est décédé en 1844, ou plutôt qui est né en 1844 et qui est décédé en 1990. C'est un grand philosophe, très connu. Il a été très influencé par son prof Schopenhauer. Et donc, il l'a suivi même dans cette animosité à l'égard de la femme. Et il a eu des souffrances dans sa vie avec les femmes, des épreuves avec les femmes. Notamment, il a aimé certaines femmes et ils l'ont abandonné pour d'autres hommes. Il l'aura abandonné pour d'autres hommes. Donc, il décrit la femme, il dit « La femme est semblable à un chat ou une vache, dans le meilleur des cas. » Dans le meilleur des cas, la femme est semblable à un chat ou une vache. Il dit aussi « La stupidité de la femme apparaît dans son envie de domination et de contrôle. » Et de ses sentiments excessifs quand on la laisse telle qu'elle est. C'est-à-dire, si on l'éduque, elle peut devenir un peu meilleure que ça. Un autre qui est Freud, celui qui a mis en place la psychanalyse, Sigmund Freud, qui est, lui, né en 1856 et décédé en 1939, en Autriche. Donc, lui, il dit que la femme est ce qui influence le moins la civilisation. Sauf dans certains domaines, tels que la couture. La femme n'a aucun rôle dans la civilisation. Et dans la modernité, sauf dans le domaine peut-être de la couture. Et il a dit aussi, la femme ne sert qu'à assouvir les désirs sexuels de l'homme. Donc ça, c'est quelques-unes de leurs citations, et à travers lesquelles on voit ce que représentait la femme pour eux. Et quand on voit le statut de la femme en islam et comment Dieu a honoré la femme, la femme ne peut pas trouver un statut, n'aura jamais un statut meilleur que celui que Dieu lui a accordé dans la religion de l'islam. À la condition qu'elle n'ait pas une nature humaine saine corrompue. Si la femme voit l'émancipation, c'est que l'homme jouit d'elle une nuit et après il la change comme il change une chemise. C'est son émancipation. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à une femme comme ça? Lakin, l'islam a honoré la femme. Il lui a donné un statut extrêmement élevé. Et elle est semblable à une perle rare, protégée dans sa coquille, où personne ne peut la toucher qu'avec des conditions. Allah nous dit dans le Coran, je vais lire tout simplement la traduction, sans lire le texte en arabe, dans le sens approximatif, c'est lui qui vous a créé d'un seul être, et qui, de ce même être, le seul être duquel on a été créé, c'est Adam, Adam. Et de ce même être tira son épouse afin qu'auprès d'elle il trouvera le calme et le repos. Afin que l'homme trouvera le calme et le repos auprès de son épouse. C'est pour ça le mariage est fait justement pour ce calme et pour ce repos et pour cette stabilité. Ensuite, Dieu dit, et quand on va se limiter à cette partie du verset. Donc ça, c'est parmi les sagesses et parmi les versets du Coran qui montrent le statut de la femme. Également, Dieu nous dit Ya ayyuhannas uttaqu rabbakum, ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme. Qui vous a créé d'une même âme et de laquelle il a créé son épouse. Donc tous on a été créés de Adam et de Adam Dieu a créé Ève et ensuite le reste de l'humanité. Donc contrairement aux athées qui considèrent la femme comme une créature différente de l'homme, supérieure au chien ou semblable au chat et à la vache, la femme est un être humain, comme tous les êtres humains. Elle a sa fierté, elle a sa dignité, elle a sa valeur élevée. Lakin, comme j'ai dit, quand on parle d'émancipation, il faut, le terme est beau et attirant, mais il faut comprendre ce que veut dire cette émancipation. Qu'est-ce que la femme? Est-ce que j'invite les femmes qui ne sont pas croyantes et qui veulent en savoir au sujet du statut de la femme dans les sociétés occidentales. Il y a certaines femmes européennes qui ne sont pas des musulmanes qui ont écrit des livres où ils ont montré le vrai statut de la femme et dans lesquels ils enviaient la femme musulmane. La femme musulmane. Regardez la femme en Europe aujourd'hui. Elle travaille comme un homme. Elle conduit des camions. La femme a été créée et elle n'est pas comme l'homme. Elle n'est pas l'égale de l'homme. La femme a des domaines dans lesquels elle dépasse l'homme et elle est meilleure que lui. Et l'homme, il a d'autres domaines où il est meilleur que la femme, de par comment Dieu l'a créé, et de par comment Dieu, elle l'a créé. À la femme, il a donné plus de sensibilité, plus de sentiments, plus d'amour, elle peut communiquer plus d'amour et de sentiments. Et à l'homme, il a donné plus de force. Il peut remplir des tâches qui demandent de la force. Là, quand on transforme une femme en un homme, elle perd sa féminité et elle ne devient jamais un homme. Elle perd sa féminité et elle ne devient jamais un homme. Et j'ai dit où ces femmes enviaient la femme musulmane de son statut en islam. Ils l'enviaient de son statut en islam. Peut-être qu'on va terminer 1h10. On va laisser peut-être ça. Allez, je vais vous donner une idée sur le lien qu'il y a entre l'homosexualité et l'athéisme. Il y a un frère qui a écrit le Big Bang. Depuis quand une explosion crée la vie au lieu de détruire? Naam, tout à fait. Tout à fait. Une explosion, comme une mutation, en général, ça donne des conséquences et des effets catastrophiques et non pas un ordre et une organisation et une structuration. Peut-être je vais reporter le sujet de l'homosexualité car c'est un sujet très important et qui est en lien fort avec l'athéisme. Lakin, je vais terminer avec ce que le frère a dit, le Big Bang. Ça, c'est une théorie scientifique qui démontre que l'univers a bien eu un début. Ils disent que son début remonte à peu près 14 milliards d'années. 14 milliards d'années. Il y a un très très grand athée qui s'appelle Andrew Flow, quelque chose comme ça. En tout cas, Flow, c'est sûr. Et il est resté athée pendant 50 ans. C'était parmi les grands défenseurs et les grands penseurs de l'athéisme. Il a fini, quand il a étudié cette théorie du Big Bang, il est devenu croyant. Il a abandonné l'athéisme après 50 ans dans l'athéisme. Cette théorie scientifique qui reste une théorie. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas la démentir et de ne pas y croire non plus. Car rien n'empêche que Dieu a donné un début pour ce monde à travers ce phénomène, d'un point de vue rationnel. Mais est-ce que c'est comme ça que ça a commencé ou pas? Nous ne savons rien. Car même cette théorie du Big Bang, elle ne permet d'expliquer que très peu de phénomènes. Elle ne permet d'expliquer rien de ce qui a précédé le Big Bang. Lakin, ce grand athée, Flo, est devenu croyant à cause de cette théorie. Parce que pour lui, c'est pas possible de croire qu'on vient du néant et que l'univers est éternel. Cette théorie a, comme il dit dans une expression, si ma mémoire est bonne, il dit, cette théorie a mis en défaut l'athéisme. C'est pour ça, Yanni, ce que je vous conseille, les théories scientifiques, ça reste des théories. Est-ce qu'elle est vraie ou pas vraie? Ça va rien changer pour moi. Ça va rien changer pour moi. Comme par exemple ce qu'ils prétendent, il y a un gène de l'homosexualité ou un gène de la religion pour expliquer pourquoi l'homme, il a une tendance à croire et à chercher une religion. Et le gène de l'homosexualité, c'est pour tolérer que les gens deviennent homosexuels. Yani déjà, l'appellation homosexuelle, elle pose problème. Homo, yani ce qu'on appelle en arabe le mithliya. Ceux qui sont attirés par les mêmes, homo. Sexuellement attirés par le même sexe. Et ça, c'est pas la vraie appellation. C'est des gens, yani, on doit les appeler les personnes présentant une anomalie sexuelle. C'est comme ça qu'on doit les décrire, ou une anormalité sexuelle. Une anormalité sexuelle. Car si on parle de la nature, regardez comment Dieu a créé l'homme et comment il a créé la femme. Ils se complémentent. Mais regardez homme et homme. Donc, c'est un phénomène qui s'oppose à la normalité et à la nature de l'homme et de la femme également. Donc, c'est pour ça qu'ils ont embelli déjà l'appellation. L'homosexualité était interdite partout dans le monde. C'était vu comme un crime. C'était un crime. Lakin, on reviendra dessus. Je veux pas ni faire durer le cours très longtemps. Inch'Allah, ce qu'on a pris aujourd'hui, bi'idhnillah, est suffisant. Et on continuera demain. Donc, pour le Big Bang, ce que je vous conseille, comme conseil, après tu peux avoir une autre position, un autre avis. Lakin, la théorie de Darwin, par exemple, on peut pas l'accepter. Comme certains ignorants ont dit, et il est où le problème que Dieu a créé l'homme à travers cette évolution? Non, t'as rien compris à la théorie de Darwin, car elle s'oppose à la parole d'Allah. On peut pas l'accepter. on ne peut pas l'accepter, ni même dire peut-être. Contrairement au Big Bang, à ma connaissance, il n'y a rien qui s'oppose au texte dans le Big Bang, dans ce phénomène. Et que Dieu ait créé le monde de cette manière, il n'y a rien qui s'oppose à la raison saine, ni au texte. Donc c'est pour ça, nous, on dit ni ça a été créé de cette manière, ou cette théorie est fausse, on s'arrête, et voilà. Wallahu alam, c'est la position juste par rapport à ce point. Mais cette théorie, il faut savoir qu'elle ne permet d'expliquer que très peu de choses. Si on a l'occasion, on parlera en détail de cette théorie pour voir que cette théorie, elle ne permet de comprendre que très peu de phénomènes liés à l'origine du monde. Elle n'explique rien de ce qui a précédé l'origine du monde. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.